Merci Monsieur le maire, merci Bernard Paillard et les organisateurs de cette conférence, de ce cycle de conférences, si j'ai bien compris. Bonjour à tous d'avoir bien voulu consacrer un peu de temps pour écouter deux historiens alors que le soleil brille de manière remarquable autour de nous. Donc on va essayer de ne pas être trop long quand même pour permettre de profiter de l'après-midi, mais après avoir rempli notre devoir et la commande qui nous a été consacrée. Comme beaucoup d'autres pays en Bretagne, le pays Bigoudin s'est construit depuis des siècles, un millénaire, entre terre et mer. Soyons clairs, surtout dans ce nord Bigoudin où c'est plus caractéristique, la terre a toujours pesé de manière déterminante quant à la production de valeurs, de ressources, et quant à l'emploi des hommes jusqu'aux années 50, je pense. La moitié de la population active en pays Bigoudin devait être liée au travail de la terre, directement ou indirectement. Et c'est ce que Père Jacques Elias a bien mis en valeur dans le cheval d'orgueil. Et pourtant, simultanément, ce pays terrien, qui est le pays Bigoudin, est en même temps un pays enserré par la mer. Sur trois de ses façades, à l'ouest, c'est la baie d'Audierne, au sud, de Pamar à la pointe de l'Octudie, de manière plus complexe, et à l'est, à travers les rias de Pont-l'Abbé et de l'Audette. Et cette région littorale est donc aussi un pays maritime, au sens où les géographes l'entendent pour la Bretagne, où une partie de son rapport, je dirais, à l'histoire, s'est construite à travers une relation à la mer. Une relation qui est sans doute l'aspect le plus original peut-être de cette histoire et qui en tout cas a marqué fortement son destin à certains moments. Alors c'est cette relation que nous allons essayer de vous retracer, relation dans le temps. Alors elle est très ancienne, c'est tout près d'ici à Ménez-Drégan qu'on retrouve des traces d'hommes il y a plusieurs millénaires qui se nourrissaient de ressources maritimes, coquillages et poissons. Nous n'allons pas rester à cette phase préhistorique, mais à l'échelle historique, je dirais que, au-delà du temps des invasions vikings où les Bretons se sont retournés vers la terre, comme le montre bien d'ailleurs l'implantation de leur paroisse, à partir du XIIIe siècle, il y a d'une certaine manière un retour vers une mer plus apaisée. Et à partir de cette phase et jusqu'à nos jours, se développe dans l'essentiel du pays Bigoudin, dans une partie surtout du pays Bigoudin, une relation essentielle, importante avec la mer. Alors cette relation, cependant, est une relation qui n'a pas été linéaire. C'est une relation qui a connu plusieurs phases, qui sont chacune composées d'un cycle avec ses phases d'expansion autour d'une nouvelle activité, d'apogée et puis en même temps de crise, de déclin. C'est là le sort fréquent des activités humaines et je crois qu'on l'a vécu, on le vit encore d'ailleurs, dans cette partie de la Bretagne de manière tout à fait nette. Alors ce que nous allons essayer d'analyser, ce sont certaines des phases de cette relation à la mer des Bigoudins, cette relation qui n'est pas un long fleuve tranquille par conséquent. Et je vais consacrer mon propos dans un premier temps, avant de céder la parole à mon coéquipier Serge Duigou, nous allons travailler là en Canadiscan si je puis dire, je vais consacrer mon analyse d'abord à une première phase qui va en gros du XIIIe mais surtout du XIVe siècle au XVIe siècle, qui va être centrée sur une partie du pays Bigoudin, mais dont le nom a brillé à l'échelle européenne pendant un temps et qui mérite d'être mise en évidence devant le public que vous représentez ici. Dans ce premier temps, cette première phase, nous avons effectivement, je dirais, un âge d'or pour une partie du pays Bigoudin autour de la grandeur de Pamar. Alors, ce n'est pas là, bien qu'on pourrait penser que nous sommes dans la légende à travers cette expression, ce n'est pas là une formule, je dirais, littéraire. Je crois qu'effectivement, Pamar a joué un rôle historique important qui mérite d'être mis en valeur. Quelque chose d'ailleurs de surprenant lorsqu'on donne certains chiffres et certains faits mettant en valeur cette activité et qui mérite bien sûr explication pour bien comprendre ce qui s'est passé et en même temps pour comprendre pourquoi vraiment dans cette phase de la grandeur de Pamar, il y a eu un renversement de tendance aussi brutal. Donc, premier temps, je dirais 14e, 16e siècle, globalement. Nous remontons haut dans le temps, vous le voyez. Le pays Bigoudin se tourne vers la mer à partir de sa partie sud, effectivement. Alors, Pamar est peut-être une formule trop limitative. C'est ce que Serge Duigou a écrit, je crois, à plusieurs reprises. Parlons plutôt peut-être de Cap Caval. L'expression est peut-être plus juste parce que au-delà de Pinmar, la commune actuelle, ça déborde plus largement sur la partie sud du pays Bigoudin. Alors, pour bien comprendre cela, un premier repère sur l'activité maritime des Pinmarquois au début du XVIe siècle, il y a cinq siècles exactement. Nous sommes en 2012, 1512, 1530. Donnons deux exemples. On trouve à ce moment-là des navires bigoudins, des navires de Pinmar principalement, répartis sur toute la façade occidentale de l'Europe, depuis le fond du golfe de Biscaye, depuis le Pays basque, français ou espagnol d'ailleurs, jusqu'à la mer du Nord, jusqu'aux bouches de l'Escaut et de ses grandes places de Bruges et d'Anvers. Juste deux chiffres pour vous donner une petite idée de cette importance. En 1520, à Bordeaux, déjà très grande place portuaire et grand port d'exportation, notamment des vins, on y reviendra, en 1520, sont affrétés par des négociants de toutes nations à Bordeaux 120 navires pour exporter du vin vers d'autres parties de l'Europe. Et dans cette période précise, 1520, sur 119 navires bretons qui sont affrétés, 62 sont de Pinmar et 12, alors on dit Loc ou Litudi, là c'est un peu confus chez ceux qui rédigent les actes du côté de Bordeaux, au total, plus des deux tiers de ces navires affrétés parmi les navires bretons et qui représentent un tonnage important sont des navires issus du pays Bigoudin. Deuxième exemple encore plus frappant, 20 ans plus tard, nous sommes en 1533-34, nous nous situons, je ne sais pas si vous pouvez mettre la diapo, dans les bouches de l'Escaut, dans un port qui est en fait un avant-port qu'on appelle Arnhemuiden. Ce n'est pas un très grand port maintenant, on est dans une des îles de Zélande. En fait, Arnhemuiden, comme quelques autres de ports de cette zone, sont des avant-ports de ce qui est la plus grande place marchande d'Europe, je dirais la capitale économique de l'Europe au début du XVIe siècle, Anvers. Et en cette année 1533 ou 1534, on enregistre au total plus de 800 entrées de navires bretons dans ces ports qui sont des ports donc servant au trafic d'Anvers, la grande place qui est située à quelques kilomètres. Sur ces 800 bateaux, 270 entrées sont des entrées qui ont été effectuées par des navires de Pinmar, des navires de 50, 60, 70 tonneaux. Nous sommes là dans un phénomène massif. Pinmar, à ce moment-là, ses navires, ses marins, est au premier plan de ce qu'on appelle les rouliers des mers dans les eaux de la façade occidentale de l'Europe, sur cette grande rocade maritime qui va de la péninsule ibérique, du fond du golfe de Biscaye, jusqu'à la mer du Nord. En une époque où l'économie européenne est en train de se développer et est une économie ouverte. Je dirais, le marché commun n'a pas attendu la fin du XXe siècle pour exister. Il y a des relations extrêmement fortes par voie maritime dès cette époque sur la façade occidentale de l'Europe. Et donc, nous avons là une réalité que les historiens, d'ailleurs, ont mis en avant depuis au moins deux tiers de siècle, depuis les années 30 et 40, que d'autres après ont approfondi, qui est pour le moins étonnante, et qui peut-être en étonne quelques-uns dans la salle. Pinmar, port européen, alors entendons bien, port d'armement au cabotage européen, mais ce n'est pas rien, avec des chiffres de cette ampleur, le chiffre notamment des entrées au port d'Arnhemuiden, donc avant port d'Anvers, vous indique bien qu'on est devant un phénomène de première grandeur, si j'ose dire en comparaison footballistique, on joue en Coupe d'Europe, là, en termes d'armement au cabotage. Et Pinmar est effectivement au premier plan à cette époque dans le cabotage européen à long rayon. Des historiens ont déjà écrit là-dessus, mais je dirais que ceux qui aiment, et il y en a beaucoup parmi nous sûrement dans cette salle, l'architecture religieuse bigoudaine n'ont pas déjà manqué de repérer les traces que cela a laissées dans la sculpture des églises. Il suffit de faire le tour de Saint-Nona de Tréhoultré-Pinmar pour se rendre compte effectivement qu'il y a bien eu une flotte bigoudaine avec ses sculptures de nefs, peut-être de carvelles, des types de navires caractéristiques de la flotte bigoudaine à Saint-Guénolé comme à Saint-Nona. Il y en a aussi d'ailleurs au Cap Sizun, hein, du côté de Confort et autres lieux. Il y a quelques autres églises dans le Cap qui ont gardé cette trace. Eh bien, ces traces dans la pierre correspondent à une réalité économique incontestable. Alors, à partir de là, les premiers types de questions à poser, c'est comment expliquer une telle activité qui va atteindre son apogée, en gros, entre 1480 et 1540. Pendant plus d'un demi-siècle, Pinmar est au sommet de sa courbe et est vraiment là un port de dimension européenne pour ce qui est de l'armement au cabotage. Alors, je dirais qu'il faut mettre en avant d'abord peut-être quelques raisons générales que j'ai évoquées d'un mot tout à l'heure. Nous sommes dans une phase d'expansion de l'économie européenne, fin 15e après la fin des guerres de 100 ans et au début de la Renaissance, au début du XVIe siècle, et d'une économie européenne pas encore trop cloisonnée entre les États-nations, où les marchandises circulent entre les différentes régions en fonction de complémentarités liées au climat, à la nature du sol, entre produits méridionaux, comme le vin, comme l'huile, comme le sel, et produits septentrionaux, le bois par exemple, mais aussi des produits manufacturés. Et dans ces échanges entre pays européens, la voie maritime, à cette époque où les transports terrestres sont difficiles, la voie maritime joue un rôle essentiel. Et donc, il y a ce contexte où des places sont à prendre. Et deuxième facteur général à mettre en avant, facteur politique cette fois-ci, qui nous renvoie à l'histoire des relations entre les États à la fin du XVe siècle, au XVe siècle notamment. L'Europe, dans cette phase, elle va le demeurer longtemps, connaît des guerres multiples entre les différents États qui sont en train de se constituer, notamment la France et l'Angleterre, et la Bretagne, jusqu'à la fin du XVe siècle, qui est un duché qui certes relève du roi de France, mais qui est largement autonome, la Bretagne essaie de jouer une carte sous l'autorité des ducs, qui est une carte de relative neutralité. Alors, c'est difficile comme position, c'est un peu casse-gueule même, et ça n'est jamais définitif, mais globalement, les ducs réussissent à trouver pour la Bretagne une position relativement favorable, de ne pas être trop mal ni avec l'un ou l'autre des États qui se constituent dans cette Europe de l'Ouest, l'Angleterre, la France bien sûr, autorité tutélaire, la Castille, le Portugal, et les navigateurs bretons, les armateurs bretons, et leurs navires vont bénéficier pendant un moment de ce contexte relativement favorable, qui ne durera pas d'ailleurs au-delà, mais qui pendant un temps leur permet de prendre des places. Il y avait une opportunité en quelque sorte, et elle a été saisie. Ceci étant, ça c'est le contexte général dont veut bénéficier d'ailleurs nombre de ports bretons. Le roulage breton se développe à cette époque à partir de toute une série de ports sur les quatre coins de la péninsule. Et notamment, pour donner un peu l'équivalent, un peu au nord de la Basse-Bretagne, le Conquet, par exemple, va jouer également cette carte, Roscoff aussi, et bénéficier de cette conjoncture générale que j'ai évoquée. Ceci étant, c'est Pinmar qui va se détacher, si je puis dire, et jouer le mieux cette opportunité entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Alors, pour quelles raisons particulières là ? Comment expliquer que cette partie du pays bigoudin ait su se tourner, je dirais, avec dynamisme, efficacité, vers l'armement maritime au cabotage. Eh bien, il faut pour cela revenir un peu à l'économie locale, cette fois-ci, et ça, ça vous intéresse évidemment directement. Je dirais que pour comprendre cet essor de l'armement au cabotage, il faut partir du rapport étroit de cette partie du pays bigoudin avec la mer, cette fois-ci dans la valorisation des ressources locales. Au commencement, avant le cabotage, il y a la pêche ou les pêcheries. Il y a des ressources halieutiques, comme l'on dit, autour de nos côtes, ça vous le savez. Ça ne suffit pas cependant à développer une grande activité de pêche. Alors ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'au-delà de la pêche à pied, qui est, je dirais, très ancienne et qui va se prolonger quasiment jusqu'à nos jours, il s'agit des pêcheries de poissons à proximité des côtes. Soulignons d'ailleurs que des pêcheries à terre de poissons existent depuis longtemps en pays bigoudin à travers des noms de sites comme par exemple le Goret, Argoret, qui est entre Kériti et Saint-Pierre-Pinmar. Cela indique la présence de pêcheries construites par l'homme pour retenir les poissons en cas de jusant et de le pêcher facilement, comme il y en a sur bien d'autres côtes bretonnes. Mais l'essentiel, et ici à Plozévet sans doute, donc c'est une réalité très présente sur les côtes bigoudaines comme une bonne partie des côtes bretonnes. Mais dès le XIIIe siècle au moins, se développent véritablement des pêcheries maritimes, cette fois-ci, utilisant des navires pour les pêcher, sur les côtes du Cap Caval et sur les côtes de la baie d'Audierne certainement aussi, et jusqu'au Glénan, dans un espace qui va du Cap Sizun au Glénan, conduite par des pêcheurs de cette zone. Alors, pêche en chaloupe, partant de havres extrêmement précaires, d'ailleurs de la côte, comme il en existe encore ici, pêche qui vise comme cible deux poissons essentiellement qui vont jouer un rôle important à cette époque, le congre, que l'on peut trouver dans tous les trous de rochers et nombreux qui existent dans ces parages, et également le merlu. On pêche également d'autres poissons pour la consommation locale, mais ce sont ces deux poissons qui vont être les poissons clés, avec comme lieu de pêche, je dirais, toute la zone qui va notamment des étaux au Glénan, mais tout site avec des roches où on peut pêcher le congre est bon à prendre, sur vos côtes ici y compris. Ceci étant, pêcher le poisson n'est qu'une chose, l'essentiel n'est pas là. Pour que la pêche, à cette époque-là comme aujourd'hui, devienne une activité économique à grand rayon, encore faut-il être capable d'acheminer le poisson pêché vers les lieux de consommation. C'est un problème permanent, ça, pour, je dirais, une activité économique comme la pêche. La question du conditionnement et ensuite du transport est évidemment essentielle. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dès le XIIIe, XIVe siècle, ici, en Pays Bigoudin, comme dans d'autres zones, c'est vrai aussi autour de la pointe Saint-Mathieu, on a trouvé une première solution de conservation du poisson, qui est la sécherie à terre. Les congres, les merlus, ici, entre le XIIIe et le XVIe siècle, vont être, une fois pêchés, vidés, bien évidemment, parfois un petit peu salés sans doute aussi, séchés au soleil, il y a donc du soleil sur nos côtes, les sécheries de poissons se développent, on sèche sur des claies, sur des rochers, ça dépend des sites, avec évidemment tout un travail de conditionnement pour retourner le poisson, s'en occuper, c'est une activité qui consomme de la main-d'œuvre dans la zone littorale. Et donc, des sécheries à terre se développent, sécheries qui procurent des richesses d'ailleurs, parce qu'on connaît leur développement à travers des baux de droits qui vont être payés aux seigneurs et aux grands seigneurs notamment qui ont un pouvoir dans cette zone. On connaît notamment le bail des sécheries au profit du comte de Penthièvre, qui est une des autorités qui pèse sur ces contrées et qui prélève des droits très importants qu'on peut mesurer à partir du début XVIe siècle. Près de 2000 livres de droits sont ainsi payés par ceux qui ont une activité de sécherie au comte de Penthièvre. Donc, on a un produit qu'on commence à savoir conditionner. Encore faut-il, après, aller le vendre. Alors, un poisson conditionné qui se conserve a quand même beaucoup d'atouts, mais après, il faut l'envoyer sur des marchés capables d'absorber cette production. Et c'est là que va se faire le lien avec l'activité maritime de cabotage. On ne sait pas quand ça commence, mais sans doute fin XIIIe, début XIVe siècle, un certain nombre de maîtres de barques de pêche, sans doute ceux les plus dynamiques, ceux qui ont les plus grandes barques aussi, vont avoir l'idée, qui est commune, hein, il n'y a pas qu'ici qu'on l'a eu, d'aller exporter leur production de poissons séchés vers des marchés de consommation intéressants où ils pourront la valoriser au mieux. Ces barques de pêche deviennent ainsi, au début, des barques de cabotage, une fois la saison de pêche et de sécherie terminée, à l'automne notamment, et donc commence alors une navigation avec un fret d'aller, comme on dit dans le langage du transport maritime, vers des marchés. Alors ces marchés, par où va-t-on ? Eh bien, on est ici au sud des Rats, on va aller vers le golfe de Gascogne et ses ports. On va aller vers Nantes, bien sûr, premier grand marché de proximité. On retrouve des navires de Pinmar, 15e, 16e siècle, évidemment, à Nantes. Vers La Rochelle et les ports Saint-Ongeais. Et puis vers Bordeaux, dès 1319-1320, on a trace de la présence de navires de Pinmar à Bordeaux. Donc nous avons là le premier mouvement qui est un mouvement d'exportation d'un produit local, produit qu'on va vendre sur place, on le transporte, on le vend, ça procure un premier revenu. Peut-être certains de ces bateaux de pêche, d'ailleurs, transportent la pêche d'autres pêcheurs, ça fournit du fret, c'est-à-dire on loue le service de transport, etc. Et puis sur place, évidemment, vous voyez bien que vous êtes à Nantes, vous êtes à La Rochelle, vous êtes à Bordeaux. Votre navire désormais est vide, vous avez vendu la pêche, vous avez quelques revenus, et puis vous devez revenir quelque part. Eh bien, c'est comme cela que va se nouer la relation de cabotage. Il y a des cales à louer. On est prêt à prendre un fret pour revenir soit vers Pinmar directement, soit d'autres ports où on peut transporter une cargaison et avoir un revenu supplémentaire. C'est comme ça que se crée ce lien, je dirais, cette relation qui va construire le cabotage à Pinmar. Les navires pinmarquois, une fois livrés leur cargaison de poissons, vont louer leur cale pour ramener différents produits. Si l'on est du côté de la Basse-Loire, ça peut être du sel de Guérande. Si l'on est du côté de La Rochelle, c'est aussi du sel, mais c'est déjà du vin. Si on est à Bordeaux, c'est essentiellement du vin que l'on va pouvoir ramener vers différents marchés. Et alors là, je dirais qu'entre le démarrage, où les premiers caboteurs qui sont encore des pêcheurs reviennent vers leur port d'attache, Ils vont ramener du vin, ils vont ramener du sel, qui peut être utile pour les, d'ailleurs pour la conservation du poisson et pour la consommation en général. Mais progressivement, par étapes sans doute assez rapides, un certain nombre de maîtres de chaloupes de pêche vont devenir des maîtres de barque qui vont se spécialiser en fait dans le transport au lieu d'être des pêcheurs. Et à partir du début 15e siècle, c'est clair, à côté de la pêche qui continue, il y a des chaloupes de pêche en grand nombre. Le chanoine Moreau, qui écrit fin 16e, pense qu'il y en a sans doute 100-150 de ces chaloupes de pêche, chiffre tout à fait probable. À côté de ces chaloupes de pêche, désormais, on voit un certain nombre de navires de transport au cabotage, spécialisés. Des maîtres de pêche ont glissé vers un statut de maître armateur, un peu marchand, qui, à partir de ces ports de livraison, vont pouvoir prendre des cargaisons à fret. Et alors, c'est là que sonne la grande heure des marins bigoudins, incontestablement, des marins de Pamars au sens large du terme, mais il y en a quelques autres, jusqu'à l'île Tudy. Hein, c'est pas seulement les Pamarquois, mais si c'est principalement les Pamarquois. C'est à ce moment-là qu'ils vont s'imposer comme les principaux transporteurs avec leurs navires sur un certain nombre de routes dont on a déjà vu en partie les terminaisons. Ils reviennent bien sûr vers la Bretagne. Les plus petits reviennent vers la Bretagne, y compris le pays bigoudin, mais à partir des années 1450, notamment, ils font évoluer leur matériel naval. Matériel naval spécialisé, ce ne sont plus les barques de pêche traditionnelles. On voit apparaître dans les documents à Bordeaux, à Nantes, les documents extérieurs essentiellement, hein, à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle ou en Flandre, des navires qui sont des navires de 50 à 80 tonneaux. Il y en a même quelques-uns, une poignée de plus de 100 tonneaux. 50 à 80 tonneaux, ça commence à compter. Ce sont des navires de transport de moyen tonnage, mais tout à fait significatifs, bien sûr. Donc, avec des armateurs de cabotage qui sont des maîtres armateurs, qui parfois se groupent à plusieurs dans des sociétés divisées à la part, avec famille, partenaires, parents, etc., pour se partager l'investissement, et qui, avec ces navires, le type d'ailleurs qui s'impose dans la deuxième moitié du XVe siècle, on les appelle les carvels. Carvels, ça renvoie, alors c'est compliqué d'analyser, on ne sait pas exactement ce que sont ces bateaux, on en a quelques reproductions, mais grossières, dans la pierre. Ce sont des navires, alors le terme carvel désigne un mode de construction, qui est la construction qu'on appelle à franc-bord, c'est-à-dire où les planches ne sont plus recouvertes comme elles l'étaient avant l'une sur l'autre, mais sont désormais jointes. C'était le mode de construction méditerranéen qui s'impose dans l'Atlantique. Et donc ces navires carvels, avec une voilure sans doute plus adaptée, sont capables de faire des circuits de plus grande distance, et notamment, nous le verrons, de franchir les rats, je vais dire un mot de ce dernier point, vers des circuits donc, qui partent de Bordeaux, qui partent de La Rochelle, parfois de Nantes, mais surtout La Rochelle-Bordeaux ou Saint-Martin-de-Ré, et qui vont aller plus loin. Ces navires de transport bigoudins, désormais, se font affréter pour des distances qui les amènent vers l'Europe du Nord, au sens strict du Nord-Ouest, quelques-uns vers l'Angleterre, quelques-uns vers Bristol, par exemple, et jusqu'à Londres, on en trouve sur la côte sud, mais Bristol est un des ports qui les attire dès le XVe siècle. Et puis surtout, alors, le grand débouché, j'ai cité tout à l'heure Arnemuiden, mais Arnemuiden, ce n'est qu'un des avant-ports, il y a plusieurs noms, Middelburg, Veer, Zierikzee, peu importe. L'important, ce sont les avant-ports des grandes places des Pays-Bas. Ça a d'abord été au XIVe et début XVe, Bruges, puis Bruges déclinant. Le relais est pris par Anvers, je vous l'ai dit, capitale économique de l'Europe, qui attire des navires de toute l'Europe pour l'approvisionner et pour redistribuer ensuite dans toute l'Europe du Nord. Les Bigoudins parmi d'autres, mais les Bigoudins, nous l'avons vu, en nombre, quand on en est à 270 entrées de navires en une année, en 1533-34, à Zierikzee ou Arnemuiden, on est là vraiment dans un trafic tout à fait important. J'ajouterai un point pour comprendre cet essor du cabotage bigoudin, quand même, qui est important, qui nous renvoie à la géographie. S'il y a une reproduction sur la carte ouest européenne, bien voir quelque chose, c'est que dans ces trafics sur ce que j'appelle la rocade ouest européenne, qui va de l'Espagne à la mer du Nord. Je dirais, Pinmar n'est pas situé n'importe où. Pinmar, d'une part, a une double situation. Première chose, Pinmar, c'est juste au sud de ce qu'on appelle les rats ou les pointes de Bretagne. Or, il faut savoir que jusqu'au début XVIe siècle, la navigation sur les côtes ouest atlantiques est une navigation qui se fait, alors on dit au cabotage, c'est pas le bon terme, mais c'est une navigation à vue de côte pour l'essentiel. On fait peu de trajets en haute mer et on tend à suivre les côtes. Et notamment à cette époque-là, jusque vers le milieu du XVIe siècle, quand on veut franchir les pointes de Bretagne, qui sont incontournable. Quand on vient du sud de l'Europe, golfe de Gascogne, Espagne, Portugal ou Méditerranée, vous êtes obligé de franchir les pointes de Bretagne. Aujourd'hui, c'est le rail d'Ouessant. À cette époque-là, la navigation, en fait, elle franchit les rats. Le rat de Saint, la mer d'Iroise, le chenal du Four, au plus près de la côte. Et c'est une navigation, en même temps, très risquée. Ce qui fait que les flottes qui remontent, par exemple, les flottes du vin qui remontent de Bordeaux, les flottes du sel qui viennent de Brouage, de La Rochelle, de Guérande, ces flottes remontent à travers le golfe de Gascogne et, en général, font une ou deux escales au moment du passage des rats. Et la première escale, quand vous venez du sud, eh bien, c'est l'escale sous le Cap Caval. Et concrètement, le site privilégié pour ces escales, ça a été en Pamar, sur la rade de Kiriti, qui présente, alors ça nous paraît difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a là une rade protégée par les rochers, par les étaux, qui est un mouillage sur bon fond, où effectivement, mais des flottes de centaines de navires, il faut bien comprendre cela, au XVe siècle, début XVIe siècle, s'arrêtent, parfois pour prendre un pilote, d'ailleurs, si elles sont groupées en convoi, pour aller franchir le rat de Saint, et aller ensuite faire une deuxième escale, généralement, à hauteur du Conquet, et ensuite passer le rat de Four. Et donc, les Pamarquois, depuis, je dirais, deux siècles, voient passer devant chez eux, et s'arrêter chez eux, d'une certaine manière, ces convois de navires flamands, allemands de la Hanse, anglais, il y a aussi des Italiens qui remontent de Méditerranée, il y a des Français, bien évidemment, qui passent ici, sur leur côte. Je dirais que c'est un facteur qui a pu contribuer à faire en sorte que nos pêcheurs de Congres et de Merlu ne soient pas restés simplement des pêcheurs, mais aient eu l'idée aussi de participer à ce trafic dans les eaux européennes qui passaient à leur porte, si je puis dire, qui s'arrêtaient chez eux, à Pamar, qui, à partir de là, même s'il n'y a pas vraiment d'installation portuaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un quai à Kiriti. Je ne suis pas sûr à cette époque qu'il y ait eu un quai à Kiriti. En tout cas, on s'arrête en rade ici à Kiriti, on va à terre, il y a des échanges, il y a un milieu marchand qui va commencer à se développer du côté de Pamar, entre Tréoutré et Kiriti, on ne sait pas trop bien où, mais il y a un début de milieu marchand qui se crée là et qui va évidemment créer les conditions de cette activité. Donc, il y a cette réalité de ces flottes. Et puis, dernière chose en termes de position, c'est que Pamar, sur le circuit entre le golfe de Biscaye et la mer du Nord, est en gros à mi-chemin. Ce qui veut dire que cela facilite aussi les relations, y compris lorsqu'on a fait un voyage pour livrer du vin, par exemple, dans les Pays-Bas. On peut revenir ensuite du côté de Pamar et s'arrêter, y compris passer l'hiver avant de repartir pour un nouveau circuit. Je dirais que cette position à mi-route était une position aussi favorable pour le développement des circuits. Alors, des circuits qui se développent, je vous l'ai dit, entre quels ports? Alors, avec quels produits? Il y en a quelques-uns, il y a le sel, incontestablement, pour une part. Ceci étant, le grand produit du trafic pamarquais, c'est le trafic du vin. C'est la route du vin Bordeaux-Anvers, d'une certaine manière, qui est en partie, pendant 50-60 ans, assurée principalement par les marins bretons, et parmi ces marins bretons, principalement par les pamarquais. J'ajoute un dernier produit, début XVIe siècle. Ils vont jouer aussi un rôle important dans l'exportation depuis le sud-ouest d'un produit plus précieux qui s'appelle le pastel, produit dans la région toulousaine, mais qui vient à Bordeaux pour s'exporter vers l'Europe du Nord. Le pastel, qui est un colorant essentiel, évidemment, pour le développement de l'industrie textile en Normandie, dans les Pays-Bas, dans l'Europe du Nord, en Angleterre. On a là aussi un nouveau produit qui va alimenter le trafic des Bigoudins. Et donc, à partir de là, il y a l'essor d'une activité d'armement avec émergence d'une micro-bourgeoisie d'entrepreneurs issus parfois de la pêche, puis du petit cabotage et qui progressivement grimpe et qui est capable d'équiper des navires de 50-60 tonneaux, quitte à se grouper, à avoir une petite activité commerciale aussi. Une partie des cargaisons sont vendues et cela procure des revenus. Voilà donc la partie ascendante de la courbe avec un point d'apogée qui se situe dans les années 1530-1540. Et puis, au-delà, eh bien, c'est là la destinée de bien des activités humaines, la courbe se renverse. Alors, elle se renverse, et elle se renverse en deux temps très contrastés. Je dirais qu'il y a d'abord un déclin qui commence dès le milieu du XVIe siècle. On peut le voir d'ailleurs aussi bien pour les pêcheries, à travers l'évolution du bail des devoirs au comte de Penthièvre. Ce bail des devoirs avoisinait les 2000 livres payés autour de 1500 et 1520. En 1585, le bail des pêcheries, donc pour même taux sur la même production, est tombé à 900 livres avant qu'il y ait une quelconque catastrophe politique. Nous sommes là, donc, dans une phase de déclin. Nous verrons pourquoi. Et de même, déclin d'ailleurs aussi, au-delà de 1540, du nombre de navires de Pamart qu'on va enregistrer tant à Bordeaux que dans les ports avant-ports d'Anvers, dans les ports flamands. On passe de 270 navires autour de 1533-34 à une cinquantaine vers les années 1550. Alors, deux facteurs explicatifs pour ce déclin. Je dirais d'une part sur la pêcherie et ensuite sur le cabotage. Sur la pêcherie, le grand phénomène de l'industrie de la pêche au XVIe siècle est lié à la découverte de l'Amérique, mais une découverte qui a peut-être été faite d'abord par des pêcheurs dans l'Atlantique Nord, et c'est la mise en valeur de l'énorme gisement de poissons, du poisson molu, comme on disait début XVIe siècle, de Terre-Neuve, la morue, et le développement de la pêche morutière à Terre-Neuve, qui va alors alimenter les marchés européens, des Pays-Bas jusqu'à la Méditerranée, en quantité croissante durant tout le XVIe siècle. Or, si beaucoup de Bretons vont se mettre à la pêche morutière, notamment les Malouins ou les marins de la baie de Saint-Brieuc, également dans le comté nantais pendant un temps, les Bigoudins, là, semblent avoir raté une opportunité. Il y a eu quelques armements, on a quelques traces d'armements pour la pêche morutière à Terre-Neuve dans les années 1520-1530, mais je dirais que ça se compte presque sur les doigts d'une main, et en tout état de cause, ça ne sera pas durable. Donc, les Bigoudins, les Bretons, de cette partie de la Cornouaille, rate l'occasion, je dirais, de mettre en valeur le gisement de poissons de Terre-Neuve. Peut-être parce que, je dirais, c'est la difficulté d'innover. Ils sont pris par leur activité traditionnelle, qui est la pêche et la sécherie du congre, du merlu. Ils disent, pourquoi changer? Eh bien, ils ne le changent pas. Ils ratent une opportunité, ils ratent une occasion de richesse, d'une part, mais surtout, ils vont voir apparaître de nouveaux concurrents. Désormais, sur les marchés, par exemple, de Bordeaux ou du Pays basque espagnol, plus tard de Méditerranée, eh bien, ma foi, ce sont des navires revenant de beaucoup plus grandes dimensions, revenant avec des cargaisons de morue, soit salées, soit séchées, là aussi, qui vont inonder les marchés et, d'une certaine manière, je dirais, rafler la mise aux dépens de la production bigoudaine. Donc, crise de la sécherie qui va tomber à un niveau très bas. Début du XVIIIe siècle, on a des statistiques de 1709. Je crois que le commissaire aux classes de l'inscription maritime recense une vingtaine, on est en gros le chiffre, c'est une vingtaine de barques de pêche en pays bigoudin, pas seulement Pamart, mais sur le Cap Caval. On est là, dans la fin d'un cycle, la pêcherie a succombé en partie, notamment en raison, je pense, de la concurrence de Terre-Neuve. Deuxième chose, pour les caboteurs, ce qui se passe, c'est un classique aussi dans l'économie de marché, c'est que de nouveaux concurrents vont apparaître. Alors, d'une part, la question de la neutralité bretonne. Je vous rappelle que la Bretagne est intégrée au royaume. Elle est conquise en 1488-89 par le royaume de France. Et ensuite, l'acte d'union est de 1532. La Bretagne est désormais partie intégrante du royaume de France. Ce qui veut dire que sa situation de neutralité par rapport à d'autres États éventuellement agressifs d'Europe occidentale, l'Angleterre, l'Espagne, enfin la Castille, cette situation tend à disparaître. Les Pays-Bas tombent sous la coupe d'un personnage dont vous connaissez le nom, Charles Quint, flamand qui devient roi d'Espagne, empereur d'Allemagne avec un immense empire et qui va être le principal adversaire de la France à l'époque de François Ier et d'Henri II. Donc le facteur politique disparaît et puis de nouveaux concurrents apparaissent et c'est alors que s'amorce vraiment l'heure des Hollandais. Les Hollandais avec des navires plus gros, plus performants, construits à bas coût, qu'on appelle les flûtes, c'est un mot d'origine hollandaise, hein, pas de rapport avec l'instrument de musique, ces flûtes hollandaises commencent à déferler sur les eaux européennes à partir des années 1550 et vont, en quelque sorte, concurrencer de manière tout à fait brutale les navires bretons, dont les navires de Pamart, qui apparaissent trop petits, trop coûteux, et qui vont se faire dépasser sur la plupart de leurs marchés. Le résultat, c'est que début 17e, nous le verrons, ils disparaissent quasiment des eaux européennes en matière de cabotage sur leur trafic traditionnel. Et puis alors, dernier élément, mais ça, je pense, une partie d'entre vous le savez, c'est vrai que la chute de Pamart s'explique aussi par un événement. Là, on n'est plus dans des phénomènes de moyenne durée. L'événement est lié à la période des guerres civiles que connaît la France et la Bretagne à la fin du XVIe siècle, la période dite des guerres de la Ligue, qui voit s'affronter le roi Henri IV, ex-protestant, et contre lui les défenseurs d'une ligne catholique dure, et notamment en Bretagne, avec un gouverneur qui est hostile à Henri IV. Et la Bretagne connaît pendant 10 ans, entre 1588-89 et 1598, une période d'anarchie véritablement et de guerre extrêmement dure. Et parmi les épisodes de cette guerre, où on voit des troupes de soldats irréguliers ravager le pays, s'installe, certains je pense le connaissent, un noble d'ailleurs à la tête d'une de ces bandes de brigands qui s'appelle Eder de la Fontenelle, qui s'installe à l'Ultristan à Douarnenez et qui va ravager la Cornouaille de manière dramatique. Il va attaquer Pontcroy, il échoue devant Quimper. Et puis, en 1595, eh bien, il descend jusqu'à Pamar, et là, il met à sac, littéralement, ce... Alors, je n'ose pas parler de ville de Pamar, parce que Pamar était-il une ville, c'est un problème, mais il met à sac, en tout cas, Pamar, passe au fil de l'épée une partie de ses habitants, ravage, détruit, viole. On est vraiment là dans les horreurs de la guerre, telles qu'on les décrira au moment de la guerre de 30 ans. Et Pamar, là, je dirais, c'est le coup de massue. Le coup de massue, notamment là, qui va toucher je dirais, une partie de son élite marchande, son milieu d'entrepreneurs, là, est touché comme les autres, comme les pauvres. Riches et pauvres, là, subissent la terreur des troupes de La Fontenelle. On ne connaît pas le nombre exact de victimes, il y a toute une série de légendes autour de cela, mais incontestablement, c'est un coup de massue terrible. Et à partir de ce moment, clairement, Pamar, si je puis dire, est détruit dans sa substance et va décliner. Décliné dans ses activités maritimes. À Bordeaux, dans les années 1630-1640, on recense un ou deux navires de Pamar par an, quand il y en avait 50-60 un siècle plus tôt. Donc là, c'est un effondrement, ça n'est pas un déclin. Après une phase de déclin qui s'amorçait, il y a l'effondrement. Le grand Pamar n'est plus. Et cela a des effets sur toute la société bigoudaine, bien sûr. J'ai retrouvé, mes étudiants avaient trouvé un document intéressant d'un commissaire aux classes en 1734 qui montrait l'impact de tout cela sur pas seulement Pamar même, mais y compris les paroisses qui gravitaient dans l'orbite de Pamar au XVIe siècle. Je le cite, « En côtoyant la baie d'Audierne, depuis Plouinec, Plozévette, Plovan, Plougnour, Tréguenec et quelques autres paroisses dans lesquelles il y avait autrefois des matelots, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui, qui demeure dans la paroisse de Plougnour. Tous les habitants de ces paroisses sont aujourd'hui laboureurs et commercent en blé. » Donc, il y a incontestablement, après ce choc, mais ça avait commencé avant, il y a une démaritimisation d'une partie du pays bigoudin, et notamment le nord du pays bigoudin. Vous voyez, vous avez entendu la citation, Plozévette, Plovan, etc., avaient des matelots qui, bien évidemment, embarquaient sur des navires de Pamar. Désormais, je dirais, c'est le retour à la terre. Le retour à la terre, alors, il y avait déjà des paysans avant, mais ceux qui, avant, travaillaient côté mer, je dirais, se reconvertissent vers la terre. Et il y a vraiment contraction de l'espace maritime du pays bigoudin à cette époque. Donc voilà le premier cycle, si je puis dire, tel qu'il s'est produit, avec son temps d'expansion, son apogée et sa phase négative de déclin, puis d'effondrement. Effondrement brutal, comme on en voit guère, parce qu'un événement politico-militaire est survenu. Alors, j'approche de la fin de mon propos, va s'amorcer cependant une deuxième phase. L'histoire des relations du pays bigoudin à la mer, évidemment, n'est pas terminée, loin de là. Une deuxième phase va s'amorcer lentement, difficilement, au cours du XVIIe, et se déployer jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Ce que nous allons traiter à deux voix. Je vais passer dans peu de temps la parole à Serge Duigou. Un nouveau cycle, je dirais, qui va renouer la relation avec la mer, mais non pas à l'identique. Non pas à l'identique. Cette relation va se construire avec de nouvelles activités, avec de nouveaux marchés, avec de nouveaux sites, de nouveaux pôles de dynamisme, avec de nouveaux acteurs et, d'une certaine manière, aussi de nouvelles zones. D'une certaine manière, il va y avoir décentrement du pays bigoudin maritime d'ouest en est, depuis Pamar vers des paroisses situées plus à l'est dont on va parler. Alors, elle va se faire, cependant, cette relation, elle va se construire à nouveau autour de deux activités, mais dont le lien n'est pas le même que dans la phase précédente. D'abord, il va y avoir renaissance d'une activité de cabotage, dont je vais dire un mot, mais qui n'est pas la même que celle que conduisait Pamar. Et puis alors, il va y avoir aussi les prémices d'une nouvelle activité de pêche, dont Serge Bigou va nous parler plus amplement. Un mot quand même simplement sur cette nouvelle activité de cabotage qui renaît dans la deuxième moitié, disons, sous Louis XIV, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et se développe un peu plus au cours du XVIIIe. Nouvelle activité de cabotage bien différente de la précédente. Alors, d'abord, dans ces stimulants, quel est le moteur de tout ça? Là encore, comme au XIVe et XVe siècle, le moteur pour que se développe le cabotage, c'est une production locale. C'était le poisson, à partir du XIIIe jusqu'au XVIe siècle, on l'a vu, le poisson séché, qu'on va exporter à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux. Ici, il ne s'agit plus d'une production de la mer, on se retourne vers la terre. La production qui va susciter l'essor du cabotage est liée à l'essor de l'agriculture, qui se produit malgré les péripéties au cours du XVIIe, notamment d'une agriculture céréalière, la production des grains, comme l'on dit, ou des blés, B-L-E-D-S, comme on disait sous Louis XIV, des blés, des céréales, dans leur variété, mais notamment des céréales les plus nobles, le froment, l'orge, un peu l'avoine, parfois le seigle, mais qui est déjà à moindre valeur. Des céréales nobles qui vont être produites par l'agriculture locale, de tout le pays bigoudin cette fois-ci, mais dont une partie est accaparée par ceux qui tiennent le système agricole, non pas par les paysans de base qui cultivent leurs champs, mais par les seigneurs, les grands seigneurs, y compris le baron du pont, qui est le principal d'entre eux, tenu par des baronnies qui est tenu au XVIIIe par des seigneurs d'origine extérieure, d'Ernoton, Baud de Saint-Père, qui viennent de l'Est, y compris Baud de Saint-Père de Saint-Malo. Donc nous avons là des grands seigneurs, vous avez tous ceux qui travaillent pour les seigneurs qui sont des procureurs, qui sont en même temps des hommes d'affaires, et vous avez une bourgeoisie marchande qui se développe dans le commerce du grain, mais aussi d'autres denrées, le commerce des étoffes, le commerce du vin. Eh bien, ce sont ces grands du monde rural qui réussissent à accaparer cette production de blé pour essayer de la valoriser. Alors, à partir d'un centre, et là, il faut bien voir le changement géographique, le pôle de cette deuxième activité de cabotage va avoir son centre à Pont-l'Abbé, cette fois-ci, pour la première fois. Pont-l'Abbé apparaît au cœur des activités maritimes bigoudaines, ce qui peut paraître un paradoxe. Pont-l'Abbé, qui a une position centrale dans le pays bigoudin, où peuvent venir par charrette des produits lourds comme les céréales, bien sûr. Il y a son marché au blé, qui est près de Notre-Dame-des-Carmes, où se commercialisent ces surplus de blé. Et puis, Pont-l'Abbé bénéficie d'un port. Alors, un port qui n'a rien à voir avec Pamart et ses havres, c'est un port de Fondria, mais comme toute la Bretagne Sud en possède, un port de Fondria où on arrive avec la marée et où on en repart avec le jusant, mais un port qui permet quand même à des navires de tonnage assez important, au moins 50-60 tonneaux, d'accéder, et puis un port qui a un quai souvent mal entretenu, mais un quai où on peut charger, effectivement, des cargaisons lourdes, des cargaisons de produits comme le blé. Donc, un port, une position, un port, un quai, et puis un milieu marchand qui s'étoffe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il est très composite. Il y a à la fois les officiers du baron, il y a des marchands de vin, on voit des activités marchandes également développées par des notaires qui sont évidemment au cœur de toute l'activité rurale et qui trafiquent sur toutes sortes de marchandises. Donc un milieu d'entrepreneurs se développe à Pont-l'Abbé, qui va saisir l'occasion. Et à partir de là, Pont-l'Abbé devient un port marchand et un port qui va se tourner vers le cabotage pour exporter ses produits. Et alors, on a une photographie de cette activité à travers des archives qui ont été conservées pour la période 1716-1722. Dans cette période, effectivement, Pont-l'Abbé devient un port de cabotage qui est d'abord un port d'expédition des blés. D'expédition des blés, là encore, par voie maritime, vers les marchés où on peut le vendre au mieux. Ce blé ou ces céréales plus exactement, ces marchés, on va les retrouver, ceux qui étaient les marchés de réception des cargaisons de poissons, vers Nantes notamment, grand marché de la Basse-Loire, vers La Rochelle un peu et surtout vers Bordeaux, et parfois même alors dernière destination qui s'épanouira au cours du XVIIIe siècle, vers le Pays basque français et surtout espagnol, vers le marché espagnol qui est demandeur. L'Espagne est structurellement déficitaire en céréales. Et là, il y a une demande qui vient de cette partie sud du golfe de Biscaye. Donc, Pont-l'Abbé commence à exporter en quantité significative. Ce ne sont pas les mêmes chiffres qu'à l'époque de Pamart, mais quand même, nous avons des mouvements de 40-50 navires par an qui sont des barques de différents tonnages, avec au moins deux modèles de trafic. Des barques de petit tonnage pour la liaison avec Nantes, 6 10 tonneaux, souvent d'ailleurs avec des maîtres de barque de l'île Tudy à cette époque. Donc petit cabotage d'une certaine manière, mais avec un nombre de rotations important. Une barque dont le capitaine et le maître est un certain Michel Le Divanac fait 40 rotations entre Pont-l'Abbé et Nantes entre 1716 et 1722. Donc il n'arrête pas de faire le va-et-vient entre le pays Bigoudin, Pont-l'Abbé, donc, et le marché principal. Et puis d'autres, alors, c'est plutôt vers Bordeaux, avec des navires qui, là, vont aller vers 25-30 tonneaux, d'une taille un peu plus considérable. On en repère de ces navires, d'ailleurs, comme la Marie Thomas dans les années 1716-1722 également, 25 tonneaux, qui fait 13 rotations entre Pont-l'Abbé et Bordeaux, sous le commandement de Yves Jekel, et qui, là, appartient à des pont-labistes. Car même dans cette période, Pont-l'Abbé, je dirais, à travers son milieu marchand, mais aussi un certain nombre de maîtres de barque, devient un port d'armement au cabotage pour les plus importants de ces caboteurs qui traversent le golfe de Gascogne. Et puis au retour, alors, là, on n'est plus à l'époque de Pinmar. Ces navires qui ont été à Nantes, qui ont été à Bordeaux, pour l'essentiel, ils vont revenir à leur port de départ avec des cargaisons dans un échange à peu près équilibré. Et dans les deux cas, le produit clé, c'est le vin. Cette fois-ci, c'est l'importation du vin vers Pont-l'Abbé, qui redistribue après dans le pays Bigoudin et le sud Cornouailles, qui va être le moteur de ce trafic. Donc on a un deuxième âge, en quelque sorte, du cabotage Bigoudin, mais je dirais à un niveau qui n'est plus le même. On n'est plus dans le cabotage européen, si je puis dire, image footballistique. Pinmar, en tant que port de cabotage, jouait en Coupe d'Europe. Là, on joue en Division 2 avec Pont-l'Abbé, mais ça n'est pas négligeable pour autant. La capitale Bigoudin s'est trouvé un rôle dans l'économie maritime au XVIIe, XVIIIe, et cela se prolongera au XIXe siècle d'ailleurs, y compris avec d'autres produits, un certain rôle dans l'économie maritime du pays Bigoudin à travers cette activité d'exportation des blés et des retours qui lui sont liés. Quelques-uns de ces caboteurs iront plus loin que Pont-l'Abbé. Il y aura des circuits vers la Bretagne du Nord, la Normandie, mais on ne retrouve plus quand même l'envergure en quelque sorte européenne de ce qu'a été le cabotage animé par les marchands de Pinmar, par cette grande heure du cabotage Bigoudin qui s'est développée à cette époque. Alors, avec quand même un dernier mot pour passer le témoin à Serge Duigou, soyons clairs quand même, malgré cette relance du cabotage, on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur, notamment quant à l'emploi maritime qu'occupaient ces activités de cabotage ou même de pêche. En gros, pour donner un ordre de grandeur, vers 1530-50, le Cap Caval, Pinmar et les autres ports liés, c'était au moins une centaine de barques de cabotage et autant de chaloupes de pêche. C'était, alors là, c'est la fourchette, hein, c'est une fourchette, bien sûr, mais au moins entre 1500 et 2500 marins qui dépendaient du pôle pinmarquois. Alors qu'ils n'étaient pas tous habitants à Pinmar. On a évoqué le texte tout à l'heure qui dit qu'on les recrutait depuis Plozévette jusqu'à Tréguennec, mais on les recrutait aussi vers le Guilvinec, qui était alors un modeste havre, ou vers l'Esconil ou Sainte-Marine. Donc, 1500 à 2500 hommes. Au terme de l'effondrement de Pinmar, on a une première statistique qui est tenue par les officiers de ce qui deviendra l'inscription maritime à notre époque, hein, les officiers des classes qui recensent les matelots qu'on peut construire pour le roi. Et là, c'est un élément très important. En 1671, on compte en tout et pour tout, je crois que c'est quelque chose comme 235 marins classés, susceptibles d'embarquer sur les navires du roi et une quarantaine de mousses ou novices. Donc la chute est peut-être pas de 1 à 10, mais au moins de 1 à 8 en termes d'effectifs maritimes. Il y a eu au XVIIe une terrible régression de l'emploi maritime et donc du degré de maritimité, en quelque sorte, du pays Bigoudin à travers la succession d'événements que j'ai évoqués plus haut. Ceci étant, un redémarrage est en cours en 1671, le tout début du cabotage à Pont-l'Abbé, et puis alors la réémergence aussi d'un nouveau système de pêche. Mais là, je vais céder la parole à mon voisin et partenaire d'aujourd'hui, Serge Duigou, beaucoup plus compétent que moi, pour en parler. En vous remerciant donc et en passant au deuxième acte de cette histoire maritime du pays Bigoudin, je laisse la parole à Serge Duigou. Merci.